réveil qui m'agresse, un café qui me brûle, des bouchons qui m'oppressent, aimable préambule d'une journée sans paresse pour laquelle je stimule toute la mauvaise graisse qui pèse sur mes rotules. Aujourd'hui comme hier, efficace, inventif, affaire après affaire, implique et productif. Je suis un trentenaire, concerné, combatif. Chaque jour je reconquiers ma place de jeune actif. Encore une journée PTC, traduisez pas le temps de chier. Pour éviter qu'on me dégraisse, j'apprends à serrer les fesses. J'avale in extenso la bouffe du salarié, le ragoût Sodexo ou le poisson pané. À l'heure du déjeuner, l'estomac détraqué, je sens les soubresauts de mon foie surbooké. Encore une journée PTC, traduisez pas le temps de chier. Pour éviter qu'on me dégraisse, j'apprends à serrer les fesses. Car une mince feuille de papier, à elle seule peut séparer le salarié bien noté du chômeur de longue durée. Du verre et de l'acier, environnement high-tech. Ici, tout est feutré, nickel, calme, impec. Les diodes des modems s'éteignent et puis s'allument. Pas de place pour la flemme, je me cache quand je fume. Seuls mes ballonnements troublent cette harmonie. Il faudrait aller faire, mais je n'ai pas le temps. Ici, le haut débit, c'est pas pour les sphincters. Je serre, en attendant l'ulcère. Encore une journée PTC, traduisez pas le temps de chier. Pour éviter qu'on me dégraisse, j'apprends à serrer les fesses. Car une mince feuille de papier, à elle seule peut séparer le salarié bien noté du chômeur de longue durée. Oh, j'entrevois la liberté. Que dis-je, la libération? Pas de chance, c'est occupé. Vais-je mourir d'une occlusion ?